Ah, Steve, toi, tu m'entends? Ouais. T'as fait ton channel gratte. Après, depuis ton channel gratte, t'as cliqué sur 1-0. On est d'accord. Alors, attends. Ouais, sur Ninjam, t'as un plugin Ninjam. Hein? Ça, ok. Ok, après, sur ton plugin gratte, t'as un truc, ben, ton amplitude, qu'on soit bien d'accord. Et puis, quand tu cliques sur le petit 1-0 là pour voir tes entrées et tes sorties, Ninjam. Tu vas où? T'arrives dans Master Parent Send. Et ben là, sur celui de Ninjam, tu dois avoir sous. Sous Reserve. Reserve. Ouais, où tu dois recevoir là. Ben là, tu dois voir ton truc de gratte. On est d'accord. Ok, bon, alors ça c'est. Putain. Ça fait chier.